Chapitre 6e. Leur accueil ne laissa subsister aucun doute dans l'esprit de Martin Boyne. À peine dans le hall de l'hôtel sur le Grand Canal, il reconnut son camarade d'autrefois dans un personnage florissant qui remplissait l'immense pièce de son exubérance. C'était bien le même Water qu'à Harvard, lui et son éternel cigare. Seulement, le cigare et lui étaient plus gros. Clive n'eut pas plus de peine à identifier son ami. Il lui adressa un salut qui fit retentir tout le hall. En même temps, une jeune dame d'une extrême minceur, en robe de quakeresse avec des millions de perles, qui était en train de causer avec lui, tourna la tête du côté du nouveau venu avec une légère moue qui subsista pendant l'examen qu'elle fit de sa personne, mais qui ne lui était pas individuellement destinée. Elle avait un ovale aussi agréablement vide que celui de la tête de bois sur laquelle la grand-maman Boyne essayait ses chapeaux, avec des lèvres carminées également vernies, des yeux bleu-gris à longs cils recourbés, toujours comme la tête de bois, et qui paraissaient dessinés au pinceau sur les paupières. Et Boyne eut l'impression que le calme surnaturel de cette dame venait de la crainte de troubler cette précieuse harmonie. « Ah, ce cher Martin » expira-t-elle d'un souffle de voix en avançant une main chargée de bagues. Et Boyne comprit qu'il était en présence d'une Joyce Water nouvelle manière, réduite à l'état de sylphide, qui du reste le revoyait sans déplaisir. « Vous ne me reconnaissiez pas ? C'est que je suis une vieille femme, mais vous, je vous aurais reconnu n'importe où ?» lui dit-elle avec une nuance d'amical reproche, du même filet de voix uni et argentin. « Vieilli, vous ?» Mais les compliments insipides qu'elle attendait évidemment furent coupés nets par son mari. « Parbleu, si on le reconnaît !» « Pas une once de graisse en 25 ans. Comment fait-il ? Hein, mon vieux ? C'est sacré charmé de John Harvard, tu te rappelles ? C'était le bon temps. Et la petite de Cambridge à qui tu lisais des vers ? Oui, des vers. Jolie fille, d'ailleurs. Descends au jardin, Maud. Un jardin, et ça c'est coco. Et te voilà maintenant au mieux avec mon fils. Pas Chipstone, naturellement, dit-il avec un large sourire. Non, ce pauvre Terry. « Tiens, voilà justement la caravane. Joyce, mon enfant, tu leur as dit qu'ils ont leur billet de logement à la pension Grimani. Pas Chip, bien entendu. Chip et nous, on ne se quitte pas. Voilà donc cette sacrée marmaille. Judy en tête, comme d'habitude. Bonjour, Judy, ma vieille. Et toi, Chipo, comment ça va ? Donne la patte, mon garçon. » Il prit son nouveau-né des bras de la jeune fille, pendant que les autres attendaient, l'oreille basse, mais sans étonnement, que leur père eût joui tout son sou de sa dernière création. « Regarde-le, ce vieux Chipo. Je suis sûr qu'il s'est fait 5 livres depuis qu'on ne s'est vu. J'en jurerais. Tâte-moi ces mollets qu'il vous a. C'est dur comme des balles de tennis. C'est un élève qui te fait honneur, Judy. Tiens, porte-le chez ta mère dans la chambre à côté. Toi, Terry, je voudrais te voir une paire de mollets pareils. Moi, les miens, je peux les montrer la tête en bas, » s'écria Bonne, qui coupa court à ses attendrissements par une culbute, tandis que Blanca, muette, avalait de ses yeux, béants comme des portes cochères, la toison blonde de sa mère et ses ondulations savantes, et que celle-ci pressait tous ses enfants l'un après l'autre sur ses perles. « Terry demande un précepteur, » reprenait Clive Water. « Une idée à lui, tu es sûr ? Brave petit, toujours le nez dans ses livres. Moi, j'aurais cru qu'il en sait assez à l'heure qu'il est pour se passer de précepteur. » C'est tout de même drôle pour un fils à moi. Cela fera un clergyman, ou recteur d'université, qui sait. Et on parle d'hérédité. Nous deux, Joyce, les auteurs d'un tel phénomène. J'espère au moins que Chipstone ne va pas nous jouer un pareil tour. Quant au précepteur, entendu, n'est-ce pas, Joyce ? Le petit a parfaitement raison. Il perd son temps. Il ne peut plus lambiner ainsi avec les femmes. Bah, pour un précepteur. Est-ce que tu en connaîtrais un par hasard, toi, mon vieux ? Moi, tu sais, ce n'est pas mon rayon. Un précepteur capable, qu'il prépare aux examens. Mon idée est toujours de mettre le gamin à Groton. C'est cette sacrée température qui a tout empêché. Ils causaient tous trois après dîner sous le balcon des Water. À leurs pieds, le grand canal chargé de gondoles et de lampions, sillonné de canaux à pétrole qui filaient en traînant une queue de pierreries et des volutes de cristal. Rien à faire à Venise, disait Water. Ce n'était pas la saison. Un vrai tombeau pour le moment. Seulement, c'était commode pour se retrouver avec les enfants et passer la revue avant de les expédier dans l'Engadine ou à Lézin. Et puis, nous venons prendre ici mon nouveau yacht, mon béguin, un bijou, mon vieux, tu verras. Nous faisons un bout de croisière avant de partir pour Coves. Venise est tout ce qu'il y a de plus pratique pour les essais. Tiens, veux-tu, on va faire un tour sur la piazza, prendre une glace chez Florian, et puis embarque sur le canal. Ce n'est pas un programme épatant, mais c'est tout ce que je puis t'offrir de mieux pour le moment. Pourquoi sortir ? Répondit Boyne. On est pas mal ici. Joyce fit un mouvement d'épaule, juste de quoi déplacer l'épaulette de jet qui attachait sa robe, et ajouta « Mon mari ne sait pas rester en place. »« Soit, restons, » concéda Clive Wetter. « Et revenons à ce précepteur. Toi, Martin, tu n'aurais pas par hasard rencontré dans tes voyages quelqu'un qui y ferait l'affaire ?»« Un universitaire ou quelque chose dans ce goût-là. » Martin ne connaissait personne. Mais Madame Wetter leva un bras blanc pour jeter sa cigarette dans le canal. « Moi, » dit-elle, « j'ai quelqu'un. »« Sans blague, » dit son mari incrédule. « Encore un cigare, mon vieux ? Ces coronas ne sont pas mauvais. On me les fabrique exprès pour moi. » Il fit sauter la bague d'or d'un de ses fameux cigares et l'alluma à son briquet. « Parfaitement. »« J'ai un précepteur, » répéta Madame Wetter. « C'est tout à fait ce qu'il nous faut, s'il consent. »« Ça, c'est fort. Et où l'as-tu trouvé ?» Elle ne répondit pas tout de suite. C'est lui qui m'a fait visiter les musées. C'est la première fois que je vois réellement Venise. Je ne m'en doutais pas. C'est Fanny Tradeschi qui l'avait fait venir pour s'occuper de ses garçons. Et puis elle s'est rasée ici et a repris le train pour Paris en le laissant sur le pavé. Il s'appelle Ormerod, Gérard Ormerod. Si on pouvait le décider, ce serait le rêve pour Terry. Il se laissera faire, sois tranquille. Cette bonne Fanny aura oublié de lui régler son compte en partant. C'est un garçon très fier et je ne te conseille pas de lui parler sur ce ton-là. Quoi ? Il faut mettre des gants pour lui demander ses conditions ? Non, mais c'est inutile de crier si fort et de parler à tue-tête, comme si tout ce qui n'est pas aussi riche que toi était sourd par-dessus le marché, dit madame, avec un petit ton coupant comme l'acier dans l'argent de sa voix. « Moi, déclara Clive Wetter, je vais me promener. Tu viens, Martin ? Non ? Alors au revoir. Ah, ça, me diras-tu pourquoi tu as été te fourrer dans cette lugubre pension avec les mioches? Tu n'avais qu'à me laisser faire. Je t'aurais bien trouvé une chambre ici. Enfin, à ton idée, mon vieux. Je vous laisse. Tenez, arrangez donc, vous deux, une petite course pour demain. Seulement, pas de musée, j'en ai soupé. Dis donc, Joyce, crois-tu que je réveillerai monsieur mon héritier si j'en trouverais à la porte et lui jeter un petit coup d'œil avant de sortir? Mes chaussures ne font pas le moindre bruit. Alors, rentre. » Boyne et son ancien ami restèrent accoudés au balcon. La Joyce de sa jeunesse, celle qu'il avait connue jeune fille et puis jeune femme, qu'en restait-il dans ce corps si mince, penché à son côté ? Jadis, c'était une grande fille forte et rose, avec un fond de sensibilité naïve et ingénue. À présent, dématérialisée, il y a des traitements pour cela. Elle était sortie de ce régime dans un état de légèreté transparente et impondérable. Un rien de corps avec, à la place d'âme, un caillou. « Clive n'a pas le sens des nuances, » murmura-t-elle, après le départ de son mari, comme parlant à sa cigarette, puis se retournant vers Boyne. « Maintenant, causons, voulez-vous, comme une paire d'amis, comme dans le vieux temps. » Elle s'installa dans son fauteuil et sa parole, tout à l'heure si rare et mesurée au compte-goutte, se précipita sur ses lèvres avec une volubilité qui faisait voltiger les mots aux oreilles de Boyne comme une grêle de confetti. Quel bonheur de se revoir. Un bonheur, le mot n'est pas trop fort. Vous avez toujours été parfait pour moi, un délicieux ami et moi, je n'étais encore qu'une petite serine. En fait d'expérience, j'étais des années en retard sur ce qu'est ma fille aujourd'hui. À propos, comment la trouvez-vous, ma fille ? N'est-ce pas que c'est un prodige de sagesse ? C'est notre aînée à tous. La personne la plus raisonnable de la famille est la seule créature humaine qui ait de l'influence sur son père. Ah, son père. Je sais, cela vous fait plaisir de vous voir réconcilier. Moi aussi, j'en suis heureuse aussi. Ce pauvre Clive. Il a des qualités, je les reconnais. Je les ai toujours reconnues, même dans les plus mauvais moments. Mais avec vous, cher ami, inutile de feindre. Du reste, vous devinez tout. Et il n'y a pas à se dissimuler que Clive, en me quittant, était tombé en de bien mauvaises mains. Cette saltimbanque de la crosse l'avait annihilée et démoralisée. Elle en avait fait sa bâche à lait, et l'argent qui partait à flots par les fenêtres. Quand j'ai vu cela, j'ai compris où était mon devoir. Je suis une femme qui croit que le mariage est une chose sacrée. Vous aussi, Martine, vous le croyez. Car si le mariage croule, qu'est-ce qui reste? C'est la débâcle. Tout de même, s'il arrive qu'on sente que la vie avec un homme, fût-il votre mari, est contraire à votre idéal, que faire? Avouez qu'on est bien à plaindre. J'avoue. Laissez-moi pourtant vous dire qu'à défaut d'idéal, une jolie gerbe d'enfance est une réalité qui a bien son charme. Elle se mit à rire, de son rire d'autrefois, légèrement exagéré, et convainc que son ami avait raison. « Je le pense comme vous, et c'est précisément le raisonnement que fait Judith. Non, cher ami, vous ne vous figurez jamais ce que ma fille a été pour moi dans ces moments hideux, où Buon del Monte m'entraînait dans la boue, vous entendez? Dans la boue. Oh, il y a des choses que je n'ose pas dire, même à vous, Martine. » « J'espère, » interrogea Boyne, la gorge serrée, « que Judith n'a rien su. » L'épaule blanche jaillit de son léger harnais par un geste d'indifférence. « Hélas, les enfants d'aujourd'hui n'ont plus rien à apprendre. Il n'y a rien à leur dire. Ils savent tout en venant au monde. Judith est comme une mère pour moi et pour tous. Ça fait une bien grande famille pour une bien jeune maman, » remarqua Boyne. « Bah, c'est son bonheur. Je dirais même que c'est chez elle une marotte. » Figurez-vous qu'elle avait entrepris de chaperonner Zinnia Lacrosse. Voyez-vous un enfant de l'âge de Judith s'avisant de chapitrer une star de cinéma? Elle donnait aussi de très bons conseils à ce malheureux Buon del Monte. Mais aujourd'hui, ce cauchemar est passé. Toute la famille est réunie. Il n'y a que ce pauvre Terry qui nous donne du tourment. Ah, je puis dire qu'il m'en donne, je vous jure. Vous ne trouvez pas ça gentil qu'il demande qu'on s'occupe de son éducation? Car Clive, vous pensez bien. L'éducation, pour lui, c'est tout bonnement les sports et les voitures de course. C'est ce qui me fait tant regretter. Mais Terry, lui, aura tout ce qui m'a manqué. Cela, j'y suis bien décidé. Ce précepteur dont je vous parlais, Monsieur Gérald Ormrod, voulez-vous être assez gentil pour le voir demain de ma part, cher ami? Ce n'est pas un service à demander à Clive. Il ne ferait que parler du haut de la tête et plastronner, et toute l'affaire serait à l'eau. Gérald, je l'appelle Gérald parce que je l'entendais appeler ainsi par Fanny, et d'une très bonne famille. C'est un homme d'une sensibilité qui frise le ridicule. Il est presque trop idéaliste. Je ne saurais vous dire quel bonheur cela a été pour moi, depuis 3 semaines, de voir Venise avec des yeux qui aiment réellement la beauté. Faites-moi donc le plaisir de causer du petit avec lui. Ce serait le salut pour Terry d'avoir auprès de lui un homme d'une éducation raffinée et d'une véritable culture. Pour Ben aussi, ce serait excellent. Car cet enfant commence à échapper tout à fait à Scopie. Pour ce qui est des honoraires, fixez-les à votre gré. Ce n'est pas une question d'argent.